Ici la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6. Je te salue cordialement à ce programme en te souhaitant la bénédiction de Dieu. Aucun enfant n'est capable de se donner naissance. Il est né. De même, notre naissance spirituelle est une pure grâce. Christ dépose la semence de son évangile dans notre cœur. Celui qui aime ses semences les accepte et les garde. En lui, la vie éternelle de Dieu grandira. Bénis soient ceux qui entendent la parole de Dieu et la gardent. Être né dans une famille chrétienne ou faire partie d'une communauté chrétienne ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Il faut avoir la foi au nom de Christ. Cette foi implique qu'il faut s'approcher de lui, se plonger dans ses qualités, comprendre sa douceur et grandir dans la dépendance de sa puissance. Cette croissance est possible si nous nous plaçons dans ses mains, en croyant qu'il nous sauve et nous transforme à sa ressemblance. La foi en Christ est une relation sincère entre nous et lui, et une alliance éternelle. Cette naissance spirituelle ne se réalisera pas en nous sans cette foi. Nous ne pourrons pas dire que la nouvelle naissance est plus grande ou plus difficile que la foi, ni que la foi est plus facile que le renouveau. Elles sont pareilles. Jusqu'à présent, l'évangéliste Jean n'a pas encore mentionné le nom de Jésus-Christ. Il a plutôt décrit sa personnalité aux croyants des nations, en utilisant des mots correspondants à leur manière de penser. Avez-vous compris les six significations de ces qualités de Christ que l'évangéliste a mises en avant? Avez-vous ouvert votre cœur à la puissance de ses attributs? Vous deviendrez alors un véritable enfant de Dieu. Prière. Seigneur Jésus, je m'incline devant toi, je t'aime et t'ouvre mon cœur. Tu es venu vers moi malgré mes péchés. Tu m'as purifié de toutes mes fautes. Ô Seigneur, je t'ouvre tout grand les portes de mon cœur. Viens demeurer en moi par ton Saint-Esprit. Question 11. Qu'arrive-t-il à ceux qui acceptent Christ? 3. La plénitude de Dieu est apparue dans l'incarnation. Jean 1, 14 à 18. Jean 1, 14. 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qui est Jésus-Christ? Il est vrai Dieu et vrai homme. Jean nous présente ce grand secret comme la devise de son évangile. Lorsqu'il mentionne l'incarnation de la parole de Dieu, il nous montre le fondement de son message. Le verset 14 est la clé de toutes les nouvelles qui suivent. Si vous saisissez toutes les significations de cette perle spirituelle, vous parviendrez à une connaissance approfondie des chapitres suivants. L'incarnation de Christ est fondamentalement différente de notre renouveau spirituel. Nous avons tous un corps et avons été engendrés par un père et une mère. Après quoi, la parole de l'Évangile nous a touchés et a généré la vie éternelle en nous. Christ n'est cependant pas né d'un père naturel. La parole de Dieu est venue en Marie, selon ce que l'ange lui a dit. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc 1, 35. En acceptant ce merveilleux message par la foi, la Vierge a reçu un embryon unique en son sein, dans lequel le Saint-Esprit s'est uni au sang humain. C'est ainsi que Dieu s'est fait homme. Notre pensée est limitée devant cette réalité. La biologie ne peut pas expliquer ce mystère. L'expérience humaine est incapable de le comprendre. Certains théologiens essayent d'atténuer l'impossibilité de la naissance de Christ pour un esprit scientifique en disant qu'il est seulement apparu dans un corps sans vraiment avoir un corps matériel qui ressent la douleur et le chagrin. Nous confessons cependant que Christ était totalement homme et totalement Dieu en même temps. L'incarnation de Christ est la meilleure interprétation de cette merveilleuse naissance. Le Fils éternel de Dieu, qui était auprès du Père depuis toute éternité, prit part à notre nature physique sans péché, car le Saint-Esprit, en lui, triomphe de toute tendance au péché. Ainsi, Jésus est le seul être humain à avoir vécu dans l'innocence et la pureté sans tache. Le Fils de Dieu s'est mélangé aux rebelles, aux humains impitoyables et mauvais qui sont tous morts. Il est cependant éternel, incapable de mourir, compte tenu de sa divinité. En dépit de son élévation, il nous a aimés, a quitté la gloire qu'il avait auprès du Père et a vécu parmi nous dans l'humilité. Il est devenu l'un de nous et a compris parfaitement notre situation. Dans la souffrance, il a appris l'obéissance totale. Il était plein de compassion. Il ne nous a pas rejetés, nous les mauvais. Christ s'est fait homme pour s'approcher de nous, afin de nous rapprocher de Dieu. Le corps de Christ ressemble au tabernacle de l'Ancien Testament où Dieu rencontrait son peuple. Dieu était en Christ et s'est révélé à nous sous la forme d'un homme. Toute divinité était concrètement présente en Christ. Selon le texte grec, Jean dit en fait qu'il a tabernaclé parmi nous. Cela signifie qu'il n'a pas construit un château durable pour demeurer éternellement avec nous sur terre, mais qu'il est resté pour une courte période, comme les nomades qui séjournent un temps dans leur tente, puis la plient et partent pour un autre endroit. Christ est resté peu de temps parmi nous, puis il est retourné au ciel. Les apôtres confirmèrent avoir été les témoins de la gloire de Christ. Leur témoignage est une acclamation et un sujet de joie. Ils furent les témoins oculaires de la présence du Fils de Dieu dans la chair. Leur foi leur permit de comprendre l'amour, la patience, l'humilité, la loyauté et la divinité de Jésus. Ils virent Dieu lui-même dans toute sa pureté. Dans l'Ancien Testament, l'expression « sa gloire » résume tous les attributs divins. L'apôtre Jean présente courageusement tous les attributs de Jésus dans son témoignage. Il perçut sa majesté cachée, aussi bien que sa beauté et sa grandeur. Inspiré du Saint-Esprit, Jean appela Dieu Père et Jésus Fils. Impossible d'échapper à ces termes. L'inspiration de l'Esprit déchire le voile qui cache le nom de Dieu, nous assurant que le Saint Éternel, le puissant Créateur est Père et qu'il a un Fils tout aussi saint, glorieux, éternel et plein d'amour. Dieu n'est pas simplement un juge triomphant, destructeur et vengeur. Il a compassion, il est doux et patient, et son Fils est pareil. En comprenant le Père et le Fils, nous atteignons le cœur du Nouveau Testament. Celui qui voit le Fils voit le Père. Cette révélation a transformé l'image de Dieu que nous trouvons dans les autres religions et ouvert nos yeux sur l'ère d'amour. Voulez-vous connaître Dieu? Alors étudiez la vie de Christ. Qu'ont vu les disciples en Jésus? Quel est le résumé de leur témoignage? Ils ont vu l'amour de Dieu accompagné de grâce et de vérité. Réfléchissez à ces trois mots tout en priant et vous réaliserez la plénitude de la gloire de Dieu présente en Christ. Dans sa grâce, Jésus vient vers nous alors que nous ne le méritons pas, car nous sommes corrompus. Nous sommes tous coupables. Aucun de nous n'est juste. Sa venue explique bien sa grâce. N'ayant pas honte de nous appeler ses frères, il nous a purifiés, sanctifiés et renouvelés. Et il nous a remplis de son esprit. Ses actes salvateurs ne sont-ils pas grâce pour grâce? Et même plus que cela, nous avons obtenu un nouveau droit. Car Christ nous a fait la grâce d'avoir le droit de devenir enfants de Dieu. Le message de la grâce n'est pas tromperie ou imagination, mais un nouveau droit. L'incarnation est une preuve de la réalité de l'œuvre de Dieu qui nous rend parfaits dans son salut. La grâce est la base de notre foi. Prière. Nous nous prosternons devant toi, le bébé de la crèche, comme le firent les bergers et les mages à Bethléem. Tu es Dieu fait homme, n'ayant pas honte de nous appeler frères. Ta lumière luit dans les ténèbres, purifie mon cœur impur, afin qu'il devienne une crèche éternelle pour toi. Avec tous les croyants, je te magnifie. Car ta gloire est devenue un corps humble, nous te supplions de te révéler à ceux qui nous entourent, afin qu'ils saisissent leurs nouveaux droits et te reçoivent. Question 12. Que signifie l'incarnation de Christ? Si tu as des questions ou bien si tu veux réagir à cette émission, je t'invite à nous écrire à l'adresse suivante. L'eau de la vie, Waters of Life, boîte postale 600513 à 70305, Stuttgart, Allemagne. Si tu as accès à un ordinateur, tu peux écrire à notre adresse e-mail info@waters-of-life.net. Si tu nous écris, nous sommes prêts à t'envoyer un petit livre cadeau. N'oublie pas d'ajouter ton nom et ton adresse complète, lisiblement écrit. C'était la voix de l'eau de la vie. Le Christ a dit, « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Apocalypse 21, 6.